بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في درسنا التاسع عشر On commence aujourd'hui le cours numéro 19 dans l'explication de Usul al-Iman l'Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Il nous dit l'auteur rahimahullah An Jubayr ibn Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im Abihi An Abihi An Jaddihi قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ فَإِنَّنَا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَبِاللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب رواه أحمد وأبو داود. Et donc ici, Jubayr ibn Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im rapporte selon son père, selon son grand-père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin est venu à lui en disant « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont épuisés, sont fatigués. Les familles sont perdues. Les biens sont épuisés. Et certes, le bétail a été dévasté. Le bétail est anéanti. Alors, invoque Allah tabaraka wa ta'ala, invoque pour nous ton Seigneur. Qu'il fasse descendre la pluie. Car certes, nous te demandons d'intercéder auprès d'Allah. Et nous demandons à Allah d'intercéder auprès de toi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wayhak, garde à toi, prends garde. Sais-tu ce que tu dis? Et ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, apprenez la gloire de son Seigneur et n'a cessé de le faire jusqu'à ce que cela fût connu sur le visage de ses compagnons. Puis il a dit, Wayhak, prends garde. Certes, on ne demande pas à Allah d'intercéder auprès de qui que ce soit parmi ses créatures. La situation d'Allah est plus grandiose que cela. Le rang d'Allah est plus grandiose. Que cela, prends garde. Sais-tu qui est Allah? Certes, son trône est au-dessus des cieux. Son trône est au-dessus des cieux. Comme cela. Et il a montré une forme de coupole avec ses doigts. Et certes, son trône fait un son comme le son de celui qui monte sur sa monture à cause du poids qui est lourd. rapporté par l'imam Ahmed ainsi que Abu Daoud. وهذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس il y a dans ce hadith Muhammad ibn Ishaq et certes il est mudallis mudallis c'est-à-dire que parfois il va cacher certains donc de ses enseignants il peut les cacher et le mudallis on n'accepte pas de lui tant qu'on n'a pas vu clairement qu'il a cité, qu'il a pris de la personne. S'il nous dit « selon », on n'accepte pas. S'il nous dit « an », on n'accepte pas. Et ici, dans ce hadith, Muhammad ibn Ishaq, il a fait donc « al-an'ana ». Il a dit « selon ». Il n'a pas cité clairement qu'il a entendu cette parole de la personne qu'il a citée après. « Wa qad tafarrada bi hadhihi riwaya » Et certes, il est le seul à avoir cité cette narration, comme l'a cité Dhahabi, rahimahullah. وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَهُ وَالشَّيْخ مُقْبِلٌ Et certes, le Cheikh Mukbil a cité qu'il est faible. Cheikh Mukbil, rahimahullah, a cité donc que le hadith est faible. فَقَالَتِ الْعُلَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى صَحِيحٌ Et donc les savants, ils ont dit que le hadith, il est faible, mais que la signification, les sens du hadith sont corrects. والحديث فيه إنكار المنكر ولو أمام الناس. Il y a dans le hadith le fait de réprimander le mal même devant les gens. وقد تكلمنا كثيرا عن هذا الأمر. يجب إنكار المنكر وتعليم الجاهل. Et certes, on a souvent abordé ce sujet. Il est obligatoire de réprimander le mal et d'enseigner aux ignorants. وفي الحديث خطر الجهل لأن هذا الأعرابي وقع فيما وقع بسبب جهله بدين الله بدينه وجهله بالله عز وجل. Il y a dans ce hadith le danger de l'ignorance. Car certes, ce bédouin, il est tombé dans l'erreur dans laquelle il est tombé à cause de son ignorance quant à sa religion, son ignorance quant à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadha al-hadith al-hathu ala ta'allum ad-din wa ma'rifati Allah azza wa jal bi asma'ihi wa sifatihi. Il y a dans le hadith l'incitation à l'apprentissage de la religion et à l'apprentissage de la connaissance d'Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs. لِذَلِكَ نَشْكُرُ رَبَّنَا فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُضَيِّعُونَ أَوْقَاتَهُمْ Et donc c'est pour cela que nous remercions notre Seigneur. Beaucoup de personnes perdent leur temps. فَتَجِدُهُمْ لَا يُرَاقِبُونَ الدُّرُوسِ Et donc tu vois qu'ils ne cherchent pas où sont les assises de science. La yabhathuna anha. Wa nahnu fi hadhihi as-sa'ah nata'allamu dinana wa namurru bi hadhihi al-ahadith allati fiha ma'rifatullah ta'ala. Et nous, à cet instant, nous apprenons notre religion. Nous passons par ces ahadith, nous citons ces ahadith par lesquels nous cherchons à connaître notre Seigneur. وهذا من فضل الله علينا et cela fait partie des bienfaits d'Allah sur nous. فيجب علينا أن نشكره il nous est donc obligatoire de remercier Allah تبارك وتعالى. وقال الأعرابي فإنا نستشفع بك على الله فهذا القول صحيح. Lorsque le bédouin dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes nous te demandons d'intercéder pour nous auprès d'Allah. Cette parole, elle est correcte. وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي أَحَدِثِ صِحَاحِ Et cette parole a été rapportée, ou le sens de cela a été rapporté dans des ahadiths authentiques. أَيْ أَنْ يَتْلُبَ الْمَرْءُ الشَّفَاعَةَ مِنْ حَيِّنْ قَدِرٍ عَلَى ذَلِكَ Le fait que l'individu va demander l'intercession d'une personne qui soit vivante, et qui a la capacité de le faire. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. Et donc il a été cité dans le recueil d'Al-Bukhari, rahimahullah, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque les musulmans étaient touchés par la sécheresse, Umar demandait, il faisait l'invocation de la pluie en intercédant, donc par, en demandant l'intercession de Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, Omar, il disait, oh Allah, certes, nous prenions notre prophète comme intermédiaire auprès de toi afin de te demander la pluie et tu la faisais descendre. Et nous te demandons aujourd'hui, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous te demandons maintenant de faire descendre sur nous la pluie. Et il citait, disons, et maintenant, nous prenons l'oncle du prophète, l'oncle de notre prophète comme intermédiaire, afin de te demander que tu fasses descendre la pluie. Et le rapporteur, il dit, et certes, il pleuvait. إذن هذا الأمر جائز هذه الشفاعة وهذا التوسل جائز بهذه الصورة. Et donc cette intercession et le fait de prendre un intermédiaire, donc de cette façon, cela est correct. Cela est correct. C'est un vivant qui a la capacité de le faire. Il n'y a pas de mal en cela. وأما قوله ونستشفع بالله عليك. Par contre, lorsque le bédouin il dit dans ce hadith, et certes, nous demandons à Allah d'intercéder auprès de toi, فَهَذَا لَا يَجُوزُ, cette parole n'est pas permise. لِأَنَّهُ جَعَلَ الْخَالِقَ شَافِعًا عِنْدَ الْمَخْلُوقِ. Car ici, avec cette parole, il a fait que le Créateur est intercesseur auprès de la créature. وهذا في غاية التنقص كأن هذا المخلوق صار أعلى منزلة من الخالق. Il y a en cela un grand rabaissement, un fort rabaissement, comme si cette créature a maintenant un rang plus élevé que le Créateur, à tel point que le Créateur doit intercéder auprès de cette créature. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Cette parole est très grave. وَفِي الْحَدِيثِ إثبات علو الله تعالى على عرشه كما مر بنا كثيرا. Et il y a aussi dans le hadith le fait d'affirmer la grandeur, d'affirmer donc le fait que Allah est au-dessus de ses créatures sur son trône, comme nous l'avons vu plusieurs fois. Ensuite l'auteur rahimahullah il nous dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. سمع أبي هريرة رضي الله عنه كلمة سجد الله صلى الله عليه وسلم أدي الله تعالى أدي l'enfant d'Adam a rejeté ma parole. كذبني, l'enfant d'Adam a mécru en ma parole et il ne lui appartient pas de faire cela. Et il m'a insulté et il ne lui appartient pas de faire cela. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاي فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. En ce qui concerne le fait qu'il ait démenti ma parole, cela c'est lorsqu'il dit, il ne nous ramènera pas, C'est-à-dire qu'il ne nous ramènera pas à la vie comme il l'a fait la première fois. Et certes, la première création n'est pas plus simple que le fait de les ramener à la vie. Et en ce qui concerne le fait qu'il m'a insulté, l'enfant d'Adam, c'est le fait qu'ils disent « Allah s'est attribué un enfant ». Et je suis l'unique, Es-Samad, celui dont toutes les créatures reviennent vers lui. Alladhi lam yalid wa lam yulad, celui qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et celui qui n'a aucun égal. Wa fi riwaya an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. En ce qui concerne, et donc dans une autre narration selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, que Allah Ta'ala a dit en ce qui concerne son insulte à mon égard, le fait qu'il dise que j'ai un enfant et je suis trop glorieux pour m'attribuer une compagne ou un enfant. Les frères, les sœurs, ce sujet est très important, très lourd. Ce hadith que nous venons de voir est très très important. Très très très important. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَثِيرًا مَا يُوَضِّحُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَيُعِيدُ الخلق بعد موتهم. Allah Ta'ala, dans beaucoup de passages du Coran, il montre qu'il va ressusciter les créatures après leur mort. وقد يحلف الله تعالى على ذلك. Et dans certains passages, Allah Ta'ala jure pour cela, تأكيدا على وقوع الأمر. Allah jure sur ce sujet pour confirmer que cela va se produire, pour affirmer que cela va se produire, cela est inévitable, vous serez ressuscité. Préparez-vous tous pour ce moment inévitable. Allah Ta'ala qui dit Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'un bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Kul dit, non au contraire, par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités. Vous serez certes ressuscités. Et ensuite, vous serez informés de ce que vous avez accompli. Et cela est facile pour Allah. Fahada wa'adun min Allah. Ceci est une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ يَسِيرٌ, et il a montré que cela lui est facile. فَكَثِيرًا مَا يَحُثُّ اللَّهُ الْعَبْدَ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِي كَوْنِ اللَّهِ خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَلَيْسَتِ الْإِعَادَةُ أَسْهَلْ مِنَ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ. Et donc beaucoup, souvent Allah Tabaraka wa Ta'ala appelle les serviteurs à méditer sur le fait que Allah il les a créés la première fois. Allah il les a créés la première fois. Est-ce que le fait de les ramener après les avoir déjà créés n'est-il pas plus facile que le fait de les créer à partir de rien? Allah Ta'ala qui dit dans son livre وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Certes, vous connaissez la première création. Vous connaissez le fait que vous avez été créé la première fois. N'allez-vous donc pas méditer? Tu as été créé, tu es vivant aujourd'hui. Tu vois que tu es vivant. Et tu sais que tu n'as pas toujours été vivant. Pendant un moment, tu n'existais pas. Celui qui t'a ramené ici, comment peux-tu rejeter le fait qu'il soit capable de le faire une deuxième fois? فَكُلٌّ سَيُعَادُ إِلَى رَبِّهِ لِلْحِسَابِ. La yansuruhu ahad. Chacun d'entre nous sera donc ramené vers son Seigneur pour le jugement, pour être jugé selon ses agissements. Personne ne pourra le secourir. Personne. Allah Ta'ala qui dit « Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra. » Certes, vous êtes venus à nous. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. Vous êtes venus à nous. Seul. Comme nous vous avons créé la première fois. Vous êtes venus à nous seuls comme nous vous avons créé la première fois. Personne pour te secourir, personne pour t'aider. Alors prépare-toi pour ce jour terrible. Wa fi hadha al-hadith khataru qawli an-nasara alladhina nasabu al-walada ila Allah. Il y a dans ce hadith le danger, la gravité de la parole des chrétiens. Ceux qui ont attribué un enfant à Allah, le Très-Haut. Wa ba'du an-nas للأسف يشتكون يا عبد الكريم كثيرا ما تتكلم عن النصارى في دروسك. Et certaines personnes malheureusement se plaignent, disant: Oh Abdel Karim, tu parles souvent des chrétiens dans tes cours. خلاص علمنا أنك كنت نصرانيا من قبل وأنك تركتهم. Ils disent, c'est bon, on a compris qu'avant tu étais chrétien et qu'ensuite tu les as quittés. C'est bon, on a compris. A'udhu billah. Et tazunnun anna kalami fi an-nasara min ajli an ta'rifu kawni taraktuhum. Pensez-vous que je parle sur les chrétiens afin que vous sachiez, afin que vous compreniez que je les ai délaissés? C'est pour ça seulement, c'est pour ça que je parle sur les chrétiens? La yakulu hada al-kalam illa man jahila khatar nisbati al-walad ila Allah. Seule une personne qui ignore la gravité d'affirmer un enfant à Allah peut proférer ce genre de paroles. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Et ils ont dit que le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Le kod jitum shay'an idda. Certes, vous avancez une chose abominable. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent et que la terre ne se fende. Et que les montagnes ne s'écroulent. Et que les montagnes ne s'écroulent. Anda'u lirrahmani walada. À cause du fait qu'ils ont prétendu. Et qu'ils ont prétendu que Allah a un enfant. Wala yanbari lirrahmani an yattakhida walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rrahmani abda. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Il ne convient pas au tout miséricordieux, Ar-Rahman, de s'attribuer un enfant. Et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendront assujettis au tout miséricordieux. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Ils viendront tous auprès de lui au jour de la résurrection. Ils viendront tous seuls. Idhan hadha al-kalam khatirun jiddan wa huwa sabbun wa tanaqqusun fi haqqillah ta'ala. Et donc cette parole est très grave. Et c'est une insulte et un rabaissement concernant Allah le Très-Haut. فهذا القائل يشبه الخالق بالمخلوق فيجعله ينجب كما أن المخلوق يحتاج إلى الإنجاب وإلى الولد. Certes, la personne qui profère cette parole va chercher à faire ressembler le Créateur à la créature, car il va dire que le Créateur engendre de la même façon que la créature a besoin d'engendrer et a besoin d'un enfant. Fekifenaskutu. Et donc, comment est-ce que nous pouvons nous taire après cela? Et ne pas expliquer ni montrer aux gens le danger de leur religion, de leur parole qu'ils profèrent concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous est obligatoire de parler. Wa fi hadha al-hadith ما يذكرنا بسعة رحمة الله بعباده. Il y a dans ce hadith ce qui nous rappelle la grande miséricorde d'Allah envers ses créatures, envers ses serviteurs. لأن العبد إن قال هذا القول وقد بلغكم خطره ثم تاب منه فالله يتوب عليه. Car certes, ce serviteur, s'il va proférer cette parole, et vous avez compris le danger de cette parole, la gravité de celle-ci, le serviteur, même si avoir proféré cette parole grave et lourde, ce mensonge concernant Allah tabaraka wa ta'ala, s'il se repent, alors Allah ta'ala lui pardonne son péché. Allah ta'ala qui dit dans le Coran, « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a » Certes, Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés, mais repens-toi. « Wa fi hadha al-hadith, bayanu jahli kathirin minan nas, fa inna al-ba'da in alima ma waqa'a fihi بعض الناس قبل الاستقامة أو قبل الإسلام من الذنوب تراهم يتعجبون أشد العجب وإذا قيل لهم فلان كان ينسب لله الولد فلان كان يشرك بالله ليلا ونهارا فلا يتعجبون كأن هذا الذنب أخف من الأول. Et donc il y a dans ce hadith le fait de montrer, d'éclaircir l'ignorance de beaucoup de personnes. Car certains, lorsqu'ils sont au courant de certains péchés qu'ont accompli certaines personnes avant l'islam ou avant de suivre la droiture, tu les vois être surpris, choqués ou se moquer ou rabaissés. Mais si tu leur dis un tel attribue un enfant à Allah tabaraka wa ta'ala, un tel faisait du polythéisme jour et nuit, tu vois, ils ne sont pas choqués, ils ne sont pas surpris, ils ne vont pas réprimander plus que ça. Comme si ce deuxième péché est moins grave que le premier. Tout ça parce qu'on n'a pas compris la gravité. La gravité quant au fait de violer les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. La gravité quant au fait de mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. La gravité quant au fait de lui accorder un enfant. La gravité quant au fait de faire du polythéisme. On n'a pas compris cela. Voilà pourquoi on se choque quand on entend certaines paroles, mais quand on entend Foulen a fait du shirk, ça ne nous fait rien du tout. Parce qu'on n'a pas encore appris à l'aqidat as-sahiha, la bonne croyance. Et qu'on doit continuer à apprendre les durus de tawhid et de aqida pour enlever cette maladie de l'ignorance de nos cœurs. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs. Fama ahwajana ila ta'allum dinina lina'rifa huquq Allah alayna wa huquq ibadihi alayna. Car, comme grand est le besoin que nous avons de connaître et d'apprendre notre religion, afin de connaître les droits d'Allah sur nous et de connaître les droits des créatures d'Allah sur nous. فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَجْتَهِدَ أَيُّهَا الْإِخَوَ وَالْأَخَوَاتِ. Et donc il nous est obligatoire de faire des efforts, ô frères et sœurs, pour apprendre notre religion. On arrête là pour aujourd'hui, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.